Vous écoutez La Première, il est 13h30, voici Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de La Première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Que furent donc les premiers émois d'Histoire vivante au temps révolu de la bande magnétique et du montage au ciseau? Ah, comme on riait en ce temps-là, si jeune, si naïf, si plein d'espoir, sans entrevoir le crépuscule des sombres soirs à venir. Désormais, tout a changé. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Ces gens-là agissent dans l'ombre, se veulent de vrais Allemands ariens, et ils nient toute forme d'Holocauste. Des nouvelles ont parcouru les journaux que le nombre des réfugiés a augmenté considérablement à environ 1000 par jour. Moi, je crois que la seule réponse qui puisse vraiment surprendre l'opinion publique, c'est que le gouvernement d'Allemagne l'Est décide, par exemple, de supprimer le mur. Cette semaine, l'Allemagne et ses démons, d'un mur à l'autre, le ventre est toujours fécond d'où a surgi la bête immonde. La porte de Brandebourg, symbole de la division de Berlin, est virtuellement ouverte et il n'aura fallu pour cela que 4 semaines de manifestations, on croit rêver. Après 28 ans de séquestration et de réglementation socialiste, les Allemands de l'Est sont lâchés brutalement dans la nature, ou plus exactement dans le monde libéral. La réponse à tout socialiste d'antan a laissé place à des businessmen peu soucieux de prendre en compte les temps d'adaptation nécessaires d'une population qui vit pour le moment en retenue. La projection dans le futur est trop rapide, trop instantanée, on ne se libère pas de plus d'un quart de siècle d'habitude, les premières générations sont de toute façon condamnées, a-t-on coutume d'entendre. Pour beaucoup, en effet, le mur, tombé dans un mois de novembre 1989 proprement ahurissant, ce mur est encore dans les têtes. Il est encore dans la tête des gens qui ont sympathisé avec les idées socialistes et qui ne veulent pas entendre parler d'un monde de marché et de marchandises. Ils ont voulu, aussi longtemps que cela était peut-être encore possible, un socialisme à visage humain, ouvert sur le monde. Ils n'ont été entendus de nulle part, ni par leurs dirigeants qui doivent dorénavant faire face aux procès qu'on leur intente, ni par Moscou qui s'enfonce dans un chaos économique des plus dangereux, ni par l'Occident qui surveille, non sans une certaine inquiétude, cette nouvelle grande Allemagne. Ce mur est encore également dans la tête d'autres personnes, infiniment plus jeunes. Ils sont nés largement après la guerre, mais leurs nourritures terrestres sont souvent issues de la culture telle qu'elle était servie en Allemagne pendant le régime nazi. Ce sont les skinheads. Crâne rasé, bombers, pantalons de combat, t-shirts, ils hantent les rues des villes allemandes à la recherche de quelques faciès étrangers prêts à redonner à la culture occidentale bien autre chose que des lettres de noblesse. Chapitre 1. La nouvelle Allemagne. Cela fait maintenant des semaines et des semaines que de partout dans les gares allemandes débarquent quantité de réfugiés. Au début des années 90, avec la crise qui balaye tout l'Est de l'Europe, ils arrivent par centaines, par milliers. Pour eux, l'Ouest est synonyme d'espoir, de richesse, de survie. Mais ils connaissent sans doute mal cette Allemagne qui, depuis quelque temps, connaît d'antiques soubresauts. Le 6 avril 1992, Marc le roi Beaulieu envoie depuis Bonn quelques nouvelles du front. Catastrophe pour toute l'Allemagne, séisme d'amplitude nationale, débâcle pour la démocratie allemande. La télévision hier soir et les journaux ce matin analysent en termes quasi identiques l'inquiétante poussée de l'extrême droite. On s'attendait certes à ce qu'elle marque des points, on ne pensait pas toutefois que des partis presque ouvertement néo-nazis forcent les portes de 2 parlements régionaux à la fois. Mais les républicains de l'ancien Waffen-SS Schönhuber dans le sud et l'union du peuple allemand menée dans le nord par le patron richissime d'un journal ouvertement nostalgique du 3e Troisième Reich ont habilement exploité les peurs des Allemands. Peur de la facture de plus en plus lourde de la réunification, peur de l'abandon du Deutschmark, symbole de la prospérité et de la puissance allemande, au profit d'une monnaie européenne que beaucoup d'Allemands considèrent comme de la monnaie en chocolat, peur surtout du raz-de-marée des immigrants qui fuient la débâcle économique des pays de l'Est, les guerres et la misère du tiers-monde. 250 000 demandeurs d'asile sont arrivés en Allemagne l'an dernier. Ils seront 450 000 cette année. Ils coûtent à l'Allemagne quelque 13 milliards de francs suisses par an. Devant ce problème massif et le vote qu'il a provoqué, on ne voit pas comment Bonn pourra éviter de durcir sa législation jusqu'ici très libérale sur le droit d'asile. Daniel Vernet, à l'époque rédacteur en chef au Monde, auteur de La Renaissance allemande. Ce qui est quand même surprenant, c'est le score des Républicains dans le Bade-Württemberg qui, avec les autres petits partis d'extrême droite, atteignent plus de 10%, près de 13% des suffrages, alors que le Bade-Württemberg est le land le plus riche de la République fédérale, le plus développé, là où les industries de pointe se sont installées, là où le chômage est le plus faible. Donc c'est un phénomène qui a d'autres racines, et c'est peut-être pour ça que c'est plus important qu'on aurait pu le penser. Alors, d'autres racines, selon vous, lesquelles ? Je crois qu'il y a, évidemment, dans toutes ces élections régionales, un vote protestataire. Le problème est de savoir contre quoi. En Allemagne, la discussion sur le droit d'asile, les Allemands considèrent, ou enfin une partie des Allemands considèrent qu'ils ont trop d'immigrés, trop de gens qui choisissent la République fédérale comme refuge, et non comme refuge politique, mais comme refuge, je dirais, économique. Nul doute, le vieux parti national-démocrate fait une réorientation national-socialiste. Il parvient à s'adapter au climat national, anti-démocratique, anti-occidental de l'Allemagne de l'Est. Il fournit désormais un toit au groupe ouvertement néo-nazi, allant jusqu'à intégrer des leaders de ceux-ci dans sa propre direction. Et au fond, c'est bien un interdit, un tabou qui est franchi. Une partie du peuple allemand entend ne plus avoir honte de son passé, bien au contraire, elle veut le revendiquer et l'arborer. Le résultat n'est dès lors pas seulement perceptible dans les urnes à l'ouest, mais également dans les rues à l'est. Chapitre 2. La horde sauvage. À l'été 92, c'est une autre partie de l'Europe qui subit les convulsions de la dernière décennie du siècle, la Roumanie. Le pays est au bord de l'effondrement, des centaines de familles fuient et vont chercher refuge en Allemagne. Quand ils arrivent sur place, ils s'adressent naturellement au bureau d'accueil qui très rapidement leur fait comprendre que la capacité d'accueil a déjà dépassé toutes les limites possibles et imaginables. Ils sont déjà des centaines à stagner au dehors sans aucune structure d'hébergement. L'État allemand ne veut rien savoir. Pour ces familles, ces hommes, ces femmes, ces enfants, il n'y a ni toit, ni douche, ni WC. Très vite, la présence de ces étrangers est jugée insupportable. En un rien de temps, des incidents éclatent. Le bureau d'accueil est incendié. Puis c'est le tour d'un immense immeuble d'une capacité de 2000 personnes. À l'intérieur, des réfugiés vietnamiens qui, ne cédant pas à la panique, parviennent à trouver refuge sur le toit de l'immeuble, tandis qu'en bas, des gens, des badauds, des promeneurs contemplent les flammes qui s'élèvent dans le ciel rougeoyant. Drôle de son et lumière. Les forces de sécurité n'interviennent pas, ou alors tardivement. Les pompiers, quant à eux, sont repoussés à plusieurs reprises. À Rostock-Lichtenhagen, il n'y a heureusement que quelques blessés, mais cet événement traduit une certaine atmosphère qui règne à ce moment en ex-Allemagne de l'Est. Un vent de xénophobie a soufflé ce week-end sur Rostock, une localité située tout au nord-est de l'Allemagne, près de la Baltique. De violentes échauffourées ont eu lieu entre quelques 200 jeunes extrémistes de droite qui ont tenté de prendre pour cible un foyer de demandeurs d'asile et quelques 800 policiers mobilisés pour assurer l'ordre. Deux folles nuits au terme desquelles plusieurs personnes ont été blessées et plus de 150 interpellées. Il faut dire que depuis un an, les foyers de réfugiés sont la cible de violences xénophobes et la population n'hésite pas, comme ce fut le cas ce week-end, à donner son soutien aux xénophobes. Alors Marc Leroy-Boulieu, vous êtes en direct avec nous. On ne justifie pas la xénophobie, mais on peut tout de même essayer de l'expliquer. Les ex-Allemands de l'Est n'ont pas l'habitude et ne sont pas préparés à accueillir des réfugiés. Oui, effectivement, comme vous le disiez, Roger, les scènes atroces auxquelles on a assisté pendant tout le week-end à Rostock sont absolument inexcusables, mais on peut essayer de leur trouver une explication. Il y a franchement un réel problème d'immigration, en Allemagne en général, et à l'est de l'Allemagne en particulier. Depuis le début de 1989, plus de 3 millions d'étrangers sont arrivés en Allemagne, 3 millions. Bon, l'ex-RDA doit héberger 20% des demandeurs d'asile, qui arrivent donc dans des régions où il n'y avait pas d'étrangers auparavant et où la population n'était préparée ni psychologiquement ni matériellement. Rappelez-vous dans quel état se trouvait ce pays. Ajoutez à cela le chômage des Allemands à l'est de l'Allemagne, les bouleversements sociologiques qu'ils ont connus, l'étourdissement dû à la liberté, l'absence d'encadrement des jeunes maintenant qu'il n'y a plus les jeunesses communistes, le désœuvrement apparent des demandeurs d'asile qui n'ont pas le droit de travailler puisqu'ils sont demandeurs d'asile, mais qui traficotent évidemment et qui ne le feraient pas à leur place. Et ça exaspère la population autochtone. Tout ça, ça vous donne un cocktail explosif, un cocktail Molotov, c'est le cas de le dire. Dans quelques instants, retour sur cette ex-Allemagne de l'Est, en proie aux vieux démons de la xénophobie et du nationalisme. Ute Lemper, connu pour ses engagements et ses convictions, chante Streets of Berlin. Streets of Was I ever really here? Évidemment, je suis très choquée et je me suis dit pour longtemps quand même, pour les derniers deux ans, qu'il y a du racisme partout, il y a de la droite partout, il y a un front national partout, surtout en France. Streets of Berlin, I must leave you soon. Was I ever really here? Je sais que depuis la réunification de l'Allemagne, je suis très intéressée et très au courant aussi de ce qui s'est passé depuis deux ans. Comment les gens sont désespérés, combien de gens ont perdu leur travail, combien de promesses il en avait eu par Helmut Kohl, et combien il n'a pas tenu de ses promesses, comment les gens sont déçus, comment ils ont souffert pendant 40 années de socialisme et combien d'espoir ils avaient pour finalement avoir la liberté. La liberté pour eux, évidemment, c'était aussi la consommation, c'était les supermarchés, c'était la possibilité de voyager, c'était d'avoir de l'argent. Et la liberté, malheureusement aujourd'hui, la liberté, on ne peut que l'acheter. C'est-à-dire la liberté vraie, on l'a si on a de l'argent. Les jeunes de la FDJ, de la Freie Deutsche Jugend, avant, ils mettaient des petits trucs rouges au cou pour marcher pour un équerre, et aujourd'hui ils mettent les vestes de cuir et ils se rasent la tête. C'est très effrayant, d'une certaine manière compréhensible, d'une manière psychologiquement, je dirais, mais évidemment pas sur le plan de la réalité. Of Berlin, do you care? Streets of Berlin, will you cry out if I vanish into thin air? Je vais faire des concerts, je vais dire tout contre ce qui est possible. Mais tout le monde doit s'engager pour l'humanité. C'est la seule manière de se donner la main pour, envers tout le monde, de restreindre et de réduire ses propres désirs et ses propres égoïsmes, et de donner la main et de aller plus loin dans la tolérance et dans l'humanité. Chapitre 3. Une nouvelle donne extrême. La violence raciste, l'intolérance ne sont pas, loin s'en faut, le seul fait de l'Allemagne. Au début des années 90, l'extrême droite émerge tandis que la faillite de l'Est chasse des milliers de réfugiés en direction de l'Ouest. Mais il existe quelque chose de spécifique à l'ancienne Allemagne de l'Est. Quelque chose qui s'apparenterait à un nationalisme populaire qui plongerait dans des racines profondes. Il n'exprime au fond ni plus ni moins que la sensibilité majoritaire des régions rurales et également de nombreuses petites villes. Il ne s'agit pas pour le coup d'adhérer massivement à une idéologie, à l'idéologie de l'extrême droite, mais bien plus, comme le note Christian Semmler, journaliste allemand, d'accepter de cette idéologie des fragments, des morceaux. Ainsi, nombre d'adultes soutiennent, excusent ou acceptent en silence les agressions commises par les jeunes d'extrême droite contre des étrangers, ou encore des tiques, c'est le nom donné aux militants de gauche, ou encore les homosexuels, ou encore des sans-logis. Mais ils contestent l'idéologie que ces actions sous-tendent. « Nos jeunes ne sont quand même pas des nazis », affirme-t-il. Appliqué à la société est-allemande, on arrive à l'idée toute simple selon laquelle l'extrémisme de droite naît au centre. Petite illustration de la thèse avec ce fait divers que rapporte Elisabeth Auvillain au mois d'août 1993. En Allemagne, les habitants du petit village de Dolgenbrot, à une quarantaine de kilomètres au sud de Berlin, ne voulaient pas qu'un bâtiment désaffecté de leur commune soit transformé en foyer de demandeurs d'asile. Ils ont donc tenté par tous les moyens légaux de s'opposer à cette décision des autorités régionales. N'obtenant aucun résultat, ils ont alors décidé de recourir aux grands moyens. Selon le quotidien berlinois Tageszeitung, ils se seraient cotisés pour demander à un groupe d'extrême droite d'incendier le bâtiment. En échange de la coquette somme de 2000 Deutschmark, des militants d'extrême droite ont donc mis le feu au baraquement qui a été détruit dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre dernier. Le sinistre n'a fait aucune victime car les premiers occupants étaient attendus seulement le lendemain. Selon le quotidien berlinois, une fête a même été organisée pour célébrer la destruction du baraquement. Le ministère de la Justice a confirmé qu'une enquête était en cours et précisé qu'un suspect avait avoué que des jeunes avaient été payés pour détruire le foyer. Le maire du village a déclaré pour sa part ne pas être au courant d'une quelconque collecte. Bernd Wagner, expert particulièrement compétent en matière de radicalisme de droite dans l'ancienne Allemagne de l'Est, évoque une culture déjà solidement établie dans la jeunesse. Celle-ci regroupe un ensemble hétérogène, des noyaux organisés néo-nazis aux bandes de jeunes criminels, en passant par les nazis skinheads et les cercles apolitiques mais influencés par le racisme. L'extraordinaire réservoir de haine dans lequel ils puisent en commun l'emporte d'évidence sur la différence entre, par exemple, d'un côté le jeune nazi robuste et discipliné, de l'autre le skin baigné de sous-culture totalement étranger au fantasme de prise de pouvoir. Habilement, tous ces groupuscules explicitement néo-nazis s'adaptent à ces réalités. Ils opèrent en groupe autonome, bien encadré, ils préfèrent les réseaux et ils misent sur des actions décentralisées. Leur renoncement à toute organisation nationale bureaucratique les rend également moins vulnérables à la répression. Ils contournent également le rejet des partis par de nombreux jeunes de leur génération. Et dans cette culture de la jeunesse se manifeste, selon les termes de Bernd Wagner, un processus spontané qui se dérobe à toute influence. Marc Leroy Beaulieu. Une quarantaine de mouvements prétendument politiques et officiellement opposés à la violence qui regroupent quelques 2000 adhérents, officiellement, si l'on peut dire, l'extrême droite allemande se résume à cela. Mais la mouvance néo-nazie, avec sa multitude de groupuscules, d'associations paramilitaires déguisées en clubs de sport comme celle qui vient d'être démantelée, de simples associations de nostalgiques, voire de bandes de skinheads qui se font et se défont au gré des rencontres, cela représente quand même à peu près 65 000 militants. 10% d'entre eux sont des violents, adeptes de la chasse aux étrangers et de la profanation des cimetières juifs. Complètement informels, sans aucune existence officielle, ces myriades d'associations sont à l'abri des autorités qui ne peuvent rien contre elles. Ces gens-là agissent dans l'ombre, se veulent de vrais Allemands ariens et ils nient toute forme d'Holocauste. Mais ils puisent leur haine dans les publications de l'extrême droite officielle. Elle, prudente, se démarque du nazisme, de l'antisémitisme et de la xénophobie, mais elle n'hésite pas à présenter les demandeurs d'asile comme des imposteurs et à revendiquer la réunification de l'Allemagne dans ses frontières de 1937. Des chiffres ressemblent toujours à d'autres chiffres. Il faut souvent zoomer un peu, s'approcher, aller voir de plus près, entendre, écouter, causer, questionner avec ceux qui revendiquent être le renouveau de la race blanche, pour voir un peu de quoi il retourne. C'est ce qu'avait fait Daniel Schweitzer il y a de cela quelques années dans un documentaire intitulé « Skin or Die »,« Skin ou mourir ». Alors, je m'appelle Mike, j'ai 19 ans dans un mois. Je travaille, je suis en apprentissage comme serrurier constructeur. Et ça fait à peu près 5 ans que je suis skin maintenant. De gens qui sont contre nous et avec qui on peut avoir des affrontements le week-end dans des bistrots ou tout, mais il n'y a pas que ça. Au niveau de tout, on sera supprimé de la société, un peu rejeté, mis à l'écart, ou bien on sera des gens mauvais vus par justement les médias ou tout ça. Et puis on n'est pas un bon exemple, si vous voulez, à suivre pour la jeunesse. Mes parents ont très bien compris maintenant pourquoi je mène ce combat. Ils ne sont pas pour moi du tout, enfin ils ne sont pas avec les skinheads, mais ils nous comprennent justement par certaines soirées que je leur explique, puis quand on voit les articles de journaux, eux ils les lisent, puis après ils viennent me demander ce qui s'est réellement passé, puis moi je leur explique, et puis c'est là qu'ils disent « Ah, c'est bête, parce que vous êtes là, vous faites des soirées, vous faites chez personne, et puis alors la police arrive, ou des gens portent plainte parce qu'il y a des 50 têtes rasées qui sont là, ils trouvent pas ça normal, ils disent « Vous avez autant le droit de vous éclater que de faire une fête qu'un autre groupe ou quoi que ce soit. » Alors, je m'appelle Christophe, 26 ans, militant depuis 1990. Si je suis venu à ça, c'est parce que je voyais que tout le monde fermait les yeux là-dessus, sur ce qui se passait dans notre pays et ça, et suite au fait que j'ai perdu mon travail, beaucoup, ça m'a beaucoup fait réfléchir, regarder ce qui se passait autour de moi et tout ça. Puis un beau jour, j'ai décidé de m'engager, de prendre parti dans cette cause, et de plus en plus, c'est une haine qui a grandi, disons. C'est à force de se faire bouffer, je crois. Et puis, pour finir, à force de voir, d'entendre certaines choses, ces petites choses, elles augmentent, elles augmentent, elles augmentent. Puis un jour, il y a un truc qui fait déborder. Puis on se dit, mais putain, j'ai les boules. J'ai les boules, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai les boules, pourquoi j'ai les boules? Ben là, il y a la haine. Là, il y a vraiment la haine. Et puis moi, ben la haine, elle est venue du fait que je voyais tous ces étrangers se promener, chaîne en or, bague, costard, cravate, alors que moi, j'avais nécessairement même pas 100 balles pour me payer à bouffer. Donc, c'est là, il y a vraiment la haine, quoi. Puis des petites choses que j'entendais dans la rue, comme ah, c'est celui-ci, bosse pour nous. Ça, c'est vraiment le truc. Ça engendre la haine, ça nous fait vraiment faire devenir haineux et un beau jour ça, ça éclate. Puis quand ça éclate, c'est là que ça fait très mal. Demain, retour sur un reportage réalisé par Catherine Kammermann, intitulé « Allemagne, la tentation des extrêmes », une enquête réalisée à quelques jours des élections législatives de 1994. C'était « Histoire vivante », documentation et archives à la Radio Suisse romande, Josette Suyot, programmation musicale, Laurent Pavia. Réalisation, Isabelle Barthes. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zacker. Une émission de Jean Leclerc. À demain pour d'autres chapitres. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you? Got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Please you, baby. Proposée par Jean Leclerc. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.